Lettre 24e, Agathoclès à Phocion, Nisibis, septembre 301. Je vis encore. J'étais trompé dans l'attente de voir finir mes combats et mes peines. Une nouvelle existence a commencé pour moi. Elle est entre la félicité des dieux et les tourments du Tartare. Ils se succèdent l'un à l'autre avec une telle rapidité que je crains de perdre la raison. La nature doit succomber enfin sous les efforts auxquels je suis condamné. Il fut un temps où l'idée de voir continuellement la Rissa m'aurait entraîné à mille extravagances pour surmonter les difficultés. J'aurais tous sacrifié pour lire dans son cœur, pour entendre les doux accents de sa voix. Je pense, je sens encore de même. La Rissa est toujours pour moi l'objet le plus cher, le plus précieux. Je la vois à chaque instant. Je lui parle sans cesse. Elle ne me fuit plus, elle m'écoute avec bonté, elle me témoigne de l'attachement, de l'amitié, j'ose même dire de l'amour, quoiqu'elle croie le cacher avec soin. Et malgré cela, Phocion, loin d'être heureux, je suis en proie au tourment de l'enfer. Elle ne se doute pas du mal qu'elle me fait et de mon désespoir. Ma dernière lettre te disait que nous étions à la veille de donner assaut à Nisibis. C'était une entreprise bien hasardée avec aussi peu de troupes, à défaut surtout du renfort qu'on nous avait promis. Tout dépendait du succès. Nous étions perdus si nous n'eussions pas réussi. Et si la victoire était à nous, il en résultait un avantage immense pour l'armée. La veille, je pris congé de la Rissa, l'esprit troublé par mille inquiétudes. Ce pouvait être le dernier moment de mon existence. Je le désirais. Tout, au contraire, m'annonçait les craintes mortelles de mon ami. Un sentiment délicieux vint inonder mon âme, me rattachait à la vie puisque j'étais aimé. Le lendemain, nous conduisîmes nos troupes à l'assaut. Tu sais, Phocion, que dès ma jeunesse, je n'ai pas redouté la mort, que je l'affrontais mille fois, et que je la regardais comme une amie qui vient nous délivrer de nos peines. Mais ici, elle se présentait à moi de tous côtés, sous les formes les plus hideuses. Je voyais des hommes acharnés contre d'autres hommes, contre leurs semblables. Cela donnait avec mille tourments. J'étais honteux de commander à de tels monstres, d'être obligé d'ordonner cet affreux carnage. J'escaladai la redoute, marchant sur les cadavres de mes compagnons d'armes, de mes braves soldats, de mes amis, qui tombaient de tous côtés sous les coups de l'ennemi. J'échappai par miracle. Oh, Phocion, qu'est donc la valeur tant vantée des héros? Étourdissement, insensibilité et bonheur. Pourquoi ne fus-je pas percé d'une flèche, écrasé par une pierre, tandis qu'autour de moi les braves tombaient par centaines, eux qui sans doute désiraient plus que moi de vivre, qui le méritaient mieux, dont la valeur plus éprouvée aurait pu être plus utile que la mienne. Ils sont morts, ils sont déjà oubliés. Je vis, et l'on vante mon courage, ma prudence. Qu'ai-je donc fait de plus que tant d'autres? Et pourquoi moi, précisément moi? Oh, Phocion, que n'ai-je péri devant Nisibis? Je venais de pénétrer dans la ville à la tête d'un petit nombre de guerriers qui m'étaient restés, lorsque je vis accourir à moi un soldat blessé pour m'avertir que Démétrius avait perdu tous les siens sur la grande place, que l'ennemi l'y avait cerné, qu'il en était entouré, et qu'à moins d'un miracle, il allait succomber. Je quittai sans balancer mon poste, au risque de perdre le fruit de tant de peines, pour voler au secours de l'époux de Larissa. La Providence exauça mes vœux, et tu peux m'en croire, jamais on n'en forma de plus désintéressé. L'ennemi fut dispersé. Démétrius, qui se défendait avec une valeur au-dessus de son âge, tomba au moment où je l'eus rejoint, couvert de blessures et affaibli par la perte de son sang. Je le couvris de mon bouclier, et occuper les assaillants jusqu'à ce qu'un renfort vînt nous arracher au péril qui nous menaçait. Démétrius fut transporté dans une maison voisine, et j'envoyai un officier sur qui je pouvais compter à Larissa, pour lui apprendre avec ménagement l'état de son époux, et l'accompagner jusqu'à la ville. Elle vint aussitôt. Démétrius la reçut avec plus de tendresse que je ne l'en croyais capable, et me présenta à elle comme son sauveur. Phocion. J'avais cru aimer Larissa de toutes les puissances de mon âme. J'avais admiré cette figure si intéressante, si expressive, mais je ne la connaissais pas encore. Au moment où elle apprit que son mari me devait la vie, elle vint à moi les bras ouverts, les joues couvertes d'une douce rougeur, les yeux, ah, qui peindra les yeux de Larissa animés par l'amour et la reconnaissance. En présence de son époux, elle me serra dans ses bras et prononça d'une voix entrecoupée les noms de frères, d'amis, de bienfaiteurs. Ah, Phocion, qu'elle était belle et combien je l'adorais. Un tremblement général me saisit. Je sentais un feu brûlant circuler dans mes veines. Avec transport, j'aurais consenti d'expirer à l'instant même pour oser la presser contre mon cœur et lui dire ce que j'éprouvais. Mais lui témoigner simplement de l'amitié fut au-dessus de mes forces. Je craignis de n'être plus le maître de mes transports si j'osais lui en exprimer la moindre partie. Je restais donc comme une statue, sans mouvement, sans proférer une parole. C'était le seul moyen de cacher à Larissa et à Démétrius l'ardeur qui me consumait, l'orage qui tourmentait mon âme. Elle ne comprit point mon silence. Elle n'a même aucun soupçon des tourments que j'éprouve depuis ce moment-là. Heureuse Larissa, elle-même aussi, je n'en doute pas, mais la pureté de son sentiment lui donne le change sur sa nature. Elle appelle notre relation actuelle amour fraternel. Elle croit m'aimer comme la plus tendre sœur et s'abandonne sans réserve aux sentiments qu'elle éprouve sous les yeux mêmes de son époux, dont la bonté paternelle pour moi l'encourage. Il voit avec plaisir que sa femme témoigne à son sauveur une estime particulière et trouve fort naturel que des amis d'enfance soient sur un ton amical et familier. Oh, Phocion, quelle paix, quelle innocence doit régner dans l'âme de Larissa, puisqu'elle peut, sans crainte, se livrer à un tel sentiment, se tromper ainsi elle-même, sans se donner des peines que j'éprouve. Lorsque, près du lit de son mari, elle s'occupe de lui avec une sollicitude filiale, que d'heures pénibles elle a passées dans l'inquiétude et la fatigue, elle s'assied vis-à-vis de moi et me regarde avec une douceur inexprimable. Je vois alors le contentement se peindre dans tous ses traits. Elle trouve la récompense de ses peines, dans quelques moments d'un doux entretien avec son ami. Je vois alors cet étonnant mélange de grandeur et d'innocence, de raison et de sensibilité qui se montre à chaque mot qu'elle prononce. Je pense à ce qu'elle eût été pour moi, à ce qu'elle est à présent pour un autre. Je sens que je dois à elle, à son époux, de cacher le feu qui m'embrase. Et voilà, Phocion, ce qui est absolument au-dessus de mes forces. Je ne puis supporter plus longtemps cette contrainte. Je dois fuir Larissa si je veux conserver ma raison. Ton estime est restée fidèle à mes principes. Démétrius a d'autres motifs encore pour me retenir près de lui. Je soupçonne qu'il a conçu le projet de me persuader d'embrasser le christianisme. Tous ses efforts tendent à me présenter cette doctrine sous le jour le plus respectable. Mais ne suffit-il pas que ce soit la religion de Larissa pour me la faire aimer et respecter? Depuis que je vois les vertus sublimes qu'elle inspire à cette femme vraiment céleste, et la manière de vivre des chrétiens, je n'ai plus de prévention contre eux. J'estime même une grande partie de leurs dogmes. Mais devenir chrétien, faire partie d'une secte si généralement méprisée, c'est à quoi je me déciderai difficilement, du moins pendant la vie de mon père. Et tant que les chrétiens n'auront pas surmonté cette foule de prévention dont on les accable, je crois qu'on leur fait tort en grande partie. Mais je suis loin cependant d'une entière persuasion. Puis malheur à celui qui abandonne la religion de ses ancêtres sans être complètement convaincu. J'ai assisté à quelques-unes de leurs cérémonies. Elles m'ont, je l'avoue, pénétré de respect et d'attendrissement. Et si c'était le but de Démétrius, je dois convenir qu'il a réussi. Mais combien je fus plus touché encore quand Larissa, avec une expression de sensibilité dont il est impossible de se former une idée, vint me dire qu'elle avait prié son Dieu pour mon bonheur, et qu'elle le lui demandait tous les jours. Phocion, entendre ces paroles sortir d'une bouche adorée et rester en apparence insensible, ne pas tomber à ses pieds pour lui jurer un amour éternel et un effort de vertu dont je ne serai plus longtemps capable. Tôt ou tard, je me trahirai. Je le sens. À force de combat, je garde encore devant Démétrius ce masque trompeur d'indifférence, prêt de tomber à chaque instant. Mais de combien de malheurs serait suivi un seul moment de faiblesse, et pour Larissa, et pour Démétrius, enfin pour moi-même. Je veux fuir, je le pense et je le dois. Du moment que Démétrius sera assez bien pour soutenir une conversation avec moi sur ce sujet, je le prierai instamment de me rendre ma liberté. Si, comme je le crois, il s'y refuse obstinément, alors un ordre de Galerius, obtenu par l'influence de Tiridate, terminera tout. Je m'éloignerai à tout prix de ce séjour dangereux, et retrouverai, j'espère, les forces prêtes à m'abandonner. Phocion, ton élève sera digne encore de toi et de ton amitié.